Dans deux jours je pars, je te laisse. Dans deux jours je m'en vais à Metz, habiter dans mon pavillon. Dans deux jours je pars, je te laisse. Dans deux jours je m'en vais à Metz. Ma mère m'a acheté du jambon. J'emménage dans mon pavillon. J'emménage dans mon pavillon. Pavillon. Et ma mère m'a fait les courses. J'emménage dans mon pavillon. J'emménage dans mon pavillon. Pavillon. Vive la fac, vive la bourse. Pourquoi? Alors, franchement, je sais pas. Alors, et peut-être, on sait pas, je pourrais te prendre dans mes bras. Sur mon lit tout petit où on dormira super mal à cause du voisin qui écoute toujours de la country. J'emménage dans mon pavillon. J'emménage dans mon pavillon, pavillon, et ma mère m'a fait les courses. Je serai encore plus solitaire, et je mangerai des plats pour célibataires.